J'entends tout le temps depuis 9 ans. De quoi tu te plains, petit professeur? T'as des vacances 5 fois par an et pas des courtes, pourquoi tu pleures? Mais moi je pleure pas, je suis content. Du temps pour moi, pour mes loisirs. Mais pour toi, il est encore temps. Tu peux choisir de ne plus souffrir. C'est si facile. Passe ton concours, des vacances, des grèves, des jours fériés, des ponts. Jamais au boulot, toujours à la maison. Des voyages scolaires, des sorties, des fêtes d'école. Ça fait si longtemps que je suis pas allé à l'école. Passe ton concours. Mais d'enseignant à fainéant, il n'y a qu'un pas, je l'ai franchi. Pourquoi pas toi si tu as le temps? Suffit du bac et de 3 enfants. Les inscriptions, c'est pour bientôt. Il faut vraiment pas rater le coche. Tu verras, c'est ultra fastoche. À toi les vacances à gogo. C'est si facile. Passe ton concours, des vacances, des grèves, des jours fériés, des ponts. Jamais au boulot, toujours à la maison. Des voyages scolaires, des sorties, des fêtes d'école. Ça fait si longtemps que je suis pas allé à l'école. Passe ton concours. Faudra que tu caches ton vrai métier, dire que t'es apprenti mécano. Me merci pas, c'est un tuyau, pour pas qu'on te prenne pour un planqué. Le retour de flamme, c'est ton image de glandeur ascendant râleur. Mais toi tu t'en fous à la plage et la détente pendant des heures. C'est si facile. Passe ton concours, des vacances, des grèves, des jours fériés, des ponts. Jamais au boulot, toujours à la maison. Des voyages scolaires, des sorties, des fêtes d'école. Ça fait si longtemps, je sais même plus où est l'école. Passe ton concours.